balader sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler, de t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé. Et on n'a même pas pensé à s'embrasser. À vous, oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin, sur l'avenue, deux amoureux, tu t'étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour à vous. Oh, Champs-Élysées, la la la. Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Merci monsieur. Bonjour Cloire Carouette. Comment allez-vous? Il fait beau, on est bien, on fait le marché, c'est cool. Il y a même de la musique, comme bien souvent sur les marchés. Je m'appelle Rachel Lahotte, je suis chanteuse de rue et autres. J'anime beaucoup dans les EHPAD, dans les comités d'entreprise. Je suis aussi autrice, compositrice, interprète de mes chansons. Et je suis en production d'un CD actuellement, d'un album, qui va être vendu à partir de l'été prochain. Si vous souhaitez prendre ma carte, c'est sur ma housse de guitare. Un petit sourire, une petite pièce, c'est sympa. Merci. Pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, elle la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans son palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves elle part. Pam, pam, pam. Jolie petite histoire. Cendrillon, pour ses 30 ans, est la plus triste des mamans. Son bel amant, le prince charmant, elle apprend sur son cheval blanc. Elle a vu son cheval blanc loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, en mitoufler dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir, elle part, pam pam pam, pam pam pam. Une jolie petite histoire. Dix ans de sa vie ont suffi à la changer en junkie. Et dans un sommeil infini, Cendrillon voit finir sa vie. Les lumières dansent dans l'ambulance. Et ça tue sa dernière chance. Tout ça n'a plus d'importance. Elle part, pam pam pam, pam pam pam. Une jolie petite histoire. Notre père, qui est si vieux, merci les enfants. As-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, des anges n'aiment pas devenir vieux. Et j'espère que... Donc c'est Mali, pas qu'à faire les lundis, c'est pas écrit sur le track, ça va. Et lundi, 10h30, 11h. C'est marqué 11h, moi le dernier message que j'ai eu c'est 11h. Mais c'est pas sur la carte...